motema na ngai okota yolobi soki okobeta na ekuke nani akofongola yo kofanda mpe okolia na ye mesa moko atambola na yo mpo yo moninga malamu na beleli yo yesu okota kati na ngai ngolu na yo monene opona ngai esika ya kofanda bomoi na ngai ebongwana nazala moto yo ya sika papa yo nde elikya na ngai eyawe o Pambola mboka alia kimesa moko na mokonze Oye komita mwe likamboyo Basi mi bale baboti bana Sima bango mi bale bakomi kowela mwana moko Nakati na bango mi bale nani kolo mwana Zela ba fongo lila yo E fata Oye nose kangame kina bomo la yo fongo amana Kombo na Yesu Yesu azamo komzi Avocat. te moto nani akoki kolinga ngai lokola yo. Osimba ngai kati na motema na yo, obomba ngai kati na bolingo na yo. Ata mopepe ebonge eloko moko ekokosimba nga te. Papa, talela moto te pote moto azaka ka moto ngai na bangala ngai te ona ebinza mbela ngaza makasi atambola kananga na moilo kola lipata na kembo tango butu ekoyaka yenda mingisaka bomoinanga yende likonzi na moto papa ya kopela na nzela na ngai Banguna na ngai bako kwea avait un homme à Jéricho. Il s'appelait Bartimée. C'est avec le fils de Timée. Mendier le long du chemin. Son avenir était obscur. Mais un jour la lumière apparut. Le soleil de la justice s'est arrêté sur son chemin et tout a changé. Il y avait un homme à Jéricho qui s'appelait Bartimée. C'est avec le fils de Timée, mendier le long du chemin. Son avenir était obscur, mais un jour la lumière apparut. L'étoile brillante du matin s'est éclairée sur